Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 8, colonne 3. Lac Mégantic. On nous écrit. Vos lecteurs d'ici ont été fort intrigués par la note locale du Progrès de la semaine dernière, annonçant le départ de messieurs Chicoine et Cabana de notre ville pour la France. Ils se demandent ce que signifie ce voyage subi et inattendu à cette saison de l'année, et pourquoi ces dépenses lourdes et extravagantes lorsque les choses sont dans un état si peu satisfaisant en rapport avec les fameux moulins nantais, la colonisation du canton de Woburn et la Société de colonisation et de crédit des cantons de l'Est. En effet, ce n'est plus un secret pour personne que les travaux ont coûté des sommes énormes, que les moulins fonctionnent mal, que la compagnie menace de faire un procès à M. Simoneau de notre ville, qui a posé les machines de la série et sur qui elle veut faire retomber la responsabilité de ses contretemps, que le marché à bois est encombré et que les bois manufacturés ne trouvent point d'issue, que les employés se plaignent de n'être point ou d'être mal payés, que l'inspecteur venu de France a fait un rapport défavorable aux actionnaires de son pays qui ont fourni les capitaux engloutis dans cette vaste entreprise, etc. Les rumeurs ajoutent beaucoup d'autres choses, mais la haute réputation du directeur-gérant de la compagnie comme administrateur habile et intègre est au-dessus du soupçon. Ceux qui savent comment il a conduit les travaux du gouvernement dans les cantons du rapatriement savent aussi que M. Chicoine est un homme de jugement sûr et solide, mûri par une longue expérience dans l'art de faire de l'argent, d'un désintéressement à toute épreuve, ne travaillant que pour la plus grande gloire de la religion et l'avancement du Canada français. Les profits sont peut-être lents à venir, mais les riches capitalistes qui lui ont confié leurs milliers de francs doivent s'attendre à recueillir des mérites spirituels plutôt que de l'or, eux qui ont entrepris ces grands travaux en vue de la conversion des « sauvages » du Canada. Lorsqu'il a dévotement baisé les mains de l'abbé de Bellefontaine, avant de reprendre la route du pays, lors de son premier voyage, M. Chicoine a dû leur faire comprendre, par cet acte d'humilité et de piété, qu'à l'exemple du divin maître, son royaume n'est point de ce monde. Maintenant, puisqu'il se fait accompagner par un des légistes les plus éminents du pays, un avocat que la reine vient de toucher de sa baguette magique en l'appelant à faire partie de son conseil, il est évident que la cause du ciel sera bien plaidée et que la sérénité renaîtra bientôt dans le firmament de la ville de Nantes. Nul doute que les pieux voyageurs partent munis de bénédictions de la part de ceux qui ont bénéficié des capitaux français. Après tout, ça vaut bien des dividendes, et les actionnaires d'outre-mer seraient bien à plaindre s'ils ne se laissaient pas attendrir. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.